comprend même les souvenirs de ton enfance. Et vite tout ça de ta tête sans y penser. Oublie ce que t'as fait dans les meilleures années de ta vie. Vas-y, oublie, sois pas sensible à ton passé. Et pêche ton cerveau sans rien appeler. Oublie tout, tout ce qui se ramène à toi. Oublie-toi, ça te ramènera tout. Oublie toutes les colères que t'as eues, les voix élevées que t'as montées, même les sentiments mal exprimés, tout ça mêlé dans le même panier. Oublie sans retenue tous tes baisers, les hantés, vous priez les soirs et toutes les inventions de ta tête n'ont bien sûr jamais vraiment existé. Ne laisseras-tu jamais des poussières de regret te poursuivre toute ta vie, te construire un abri. Oublie tout, tout ce qui se ramène à toi. Oublie-toi, ça te ramènera à tout. Même si t'y crois pas, c'est comme ça. As-tu déjà vu de tes yeux un beau souvenir ou deux? As-tu déjà vu de tes yeux un beau souvenir ou deux? As-tu déjà vu de tes yeux un beau souvenir ou deux? As-tu déjà vu de tes yeux un beau souvenir ou deux? Oublie ce que je dis si t'as envie, ferme les yeux quand même pour y penser. Repasse-toi ça dans la caboche et efface toutes les bêtises que t'as cru. Oublie qui tu seras quand tu seras grand, ce que tu feras après tout. Toutes les vérités que tu sauras, n'y pense même pas, oublie tout ça. Oublie tout, tout ce qui se ramène à toi. Oublie-toi, ça te ramènera à tout. Oublie-toi, ça te ramène.